je sais, je ne veux plus de moi. Ma vie n'est plus la même saveur qu'elle avait autrefois. Je suis en manque de toi, de ta soeur, de ta bouche. Désormais j'ai très faim quand chaque soir je me couche. Ton sourire ne m'a jamais laissé deviner que tu nous désirais, que m'embobiner. Je crois que le pire de tout c'est là ce que j'ai appris, que tu m'avais trompé avec l'un de mes amis. À croire que ça te fait plaisir de me voir souffrir, mais attends la fin, ça va peut-être moins te faire rire. Le rire aux larmes, je suis passé. Quand j'y suis plus, ce serait du passé. Je ne te laisserai même pas le temps de me l'apprendre, car sinon je n'aurai plus qu'à me pendre. Quoi, tu t'en vas, pas, pas, tu me le dire, dire, dire pourquoi tu pars, pars, pars tu pour toujours, toujours. Une journée sans toi, pas, toi tu pourrais vivre, vivre, sans t'enlacer. Tu peux tâche, n'étais pas ta première victime. Qu'avec le cœur des hommes, tu aimes jouer à l'escrime. Combien de mes amis m'avaient pourtant prévenu. Je me disais c'est pas possible, alors je ne les ai pas cru. Par contre j'avais connu un autre amour sincère. Et maintenant j'y pense, ça me laisse un goût amer. Tes yeux bleus comme la mer, je m'y baignais dedans. C'est vrai que l'on a pu en passer de bons moments. Tes éclats de rire, mais parfois tes éclats de fer. Faut encore sourire ou bien me mettre en colère. Parce qu'il est vrai, c'est que j'aurais tout fait pour toi. J'aurais même donné ma voix pour te toucher une dernière fois. Je serais fort contre mon corps. Je t'avouerai que j'en rêve encore. Mais dans mon cœur, y'a des nuages qui cachent le soleil. Maintenant, plus rien ne m'émerveille. Pourquoi tu t'en vas?